Où suis-je? Je perds la tête. Oh non, Seigneur. Grâce au ciel, j'entrevois Monsieur le Père Ubu qui dort auprès de moi. Faisons la gentille. Eh bien, mon gros bonhomme, as-tu bien dormi? Oh, fort mal. Il était bien dur, cet ours. Combat des voraces contre les coriaces, mais les voraces ont complètement mangé et dévoré les coriaces, comme vous le verrez quand il fera jour. Entendez-vous, noble palotin? Qu'est-ce qu'il bafouille? Il est encore plus bête que quand il est parti. À qui en a-t-il? Cotis, pile, répondez-moi, sac à merde. Où êtes-vous? Ah, ah, ah, j'ai peur. Mais enfin, on a parlé. Hein? Qui a parlé? Ce n'est pas l'ours, je suppose. Merde, où sont mes allumettes? Ah, je les ai perdues à la bataille. Profitons de la situation et de la nuit. Simulons une apparition surnaturelle. Et faisons-lui promettre de nous pardonner nos larcins. Mais par Saint-Antoine, on parle! Jambes Dieu, je veux être pendu! Oui, monsieur Ubu, on parle en effet. Et la trompette de l'archange qui doit tirer les morts de la cendre et de la poussière finale ne parlerait pas autrement. Écoutez cette voix sévère, c'est celle de Saint Gabriel, qui ne peut donner que de bons conseils. Oh, ça, en effet. Ne m'interrompez pas ou je me tais, et ça sera fait de votre giborgne. Oh, magie douilleux. Non, je me tais, je ne dis plus mot. Continuez, madame l'apparition. Nous disions, monsieur Ubu, que vous étiez un gros bonhomme. Très gros, en effet, ceci est juste. Taisez-vous, de par Dieu. Oh, les anges ne jurent pas. Merde.